Capri vient la nuit sous les étoiles. C'est un coin de paradis près de la mer qui chante et meurt sur le sable d'or. Mille guitares bercent les cœurs de leurs tendres accords. Chanson de rêve sous le beau ciel étoilé. Brève, instant du premier baiser, nuit de Capri, nuit d'un bonheur toujours trop court. Sous les étoiles, c'est le rendez-vous des amours. Le temps s'écoule sans alarme, pareil et nouveau chaque jour, sans que rien n'efface le charme de ce paradis de l'amour. Minute brève, instant du premier baiser, nuit de Capri, nuit d'un bonheur toujours trop court. Sous les étoiles, c'est le paradis des amours.